Un pas de plus dans la dictature sanitaire. Voilà le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je l'ai choisi en fonction de l'actualité covidienne, c'est-à-dire l'actualité quotidienne en relation avec le coronavirus. Et aujourd'hui, l'un des objectifs, c'est de vous parler librement par rapport à ce qui se passe là en lien avec la crise. Et une étape a été franchie il y a à peine quelques jours, c'est-à-dire que le gouvernement du Québec exige le port du masque à l'extérieur lorsque des gens n'appartenant pas à la même unité familiale circulent ensemble ou réalisent une activité extérieure ensemble. Donc, le gouvernement de François Legault ici au Québec a marqué le ton en poursuivant l'escalade là, des mesures sanitaires, en nous faisant miroiter le spectre de la menace de la troisième vague de coronavirus pour justifier de telles mesures qui briment, qui limitent nos libertés individuelles de plus en plus. Donc, depuis plusieurs mois, les libertés individuelles ici au Québec, comme dans plusieurs pays en Europe qui vivent un scénario analogue à nous, sont limitées, sont diminuées, puis c'est par gradation. Et là, l'étape qui est franchie fait en sorte que si, par exemple, concrètement, parce que ça a une incidence quand même très concrète, ce type de mesure-là, c'est que si je veux marcher à l'extérieur, en compagnie de ma compagne qui n'appartient pas à la même unité familiale que moi, donc elle ne réside pas sous le même toit. Techniquement, si je me soumets au décret du gouvernement, je devrais porter un masque, puis elle aussi. Donc, cette vision-là du monde, où on cherche à nous imposer des mesures, c'est, à mon avis, quelque chose qui est un abus d'autorité. Flagrant, parce que ça viole nos libertés individuelles. Puis ça fait plusieurs mois qu'il y a plein de mesures qui vont à l'encontre de nos libertés. Et moi, en tant qu'individu, c'est sûr que par rapport à cette situation, je suis très contrarié. Et ça, c'est un aspect par rapport à qu'est-ce qui se passe présentement. Et là, ce qu'on observe, c'est un durcissement du ton des autorités, c'est-à-dire qu'ici au Québec, on nous menace que si on se promène à l'extérieur sans porter le masque, qu'on peut recevoir une amende. Il y a un durcissement du ton aussi qui a eu cours il y a quelques jours, les gens en entreprise. Donc, la CNESST qui, ici au Québec, s'occupe de régir les lois du travail. Donc, la Commission des normes et de la sécurité et de la santé au travail, qui est un organisme gouvernemental, a décrété que les gens à l'intérieur sont obligés de porter le masque. Donc, une pression qui est là, qui vient du gouvernement pour porter le masque, on dit toujours, c'est pour votre bien, c'est parce qu'il y a une augmentation du nombre de cas en lien avec le coronavirus, puis il y a des variants, puis on cherche à nous faire peur pour créer naturellement l'acceptabilité sociale pour se soumettre à de telles mesures qui, en temps normal, les gens n'adhéreraient pas. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, bien, moi je demeure critique par rapport au discours officiel. Et je sais que de plus en plus, il y a de la censure sur les réseaux sociaux. En lien avec ça, c'est sûr que curieusement, Lorsque j'avais diffusé sur ma chaîne YouTube un enregistrement de Berthold, où il proposait aux gens d'utiliser un oxymètre pour tout simplement évaluer la teneur en oxygène là, chez les enfants qui portent le masque à jour des longues, qui est un moyen concret de voir l'impact des mesures sociales, ça a été censuré puis ça impliquait quelque chose de concret. Donc, je trouve ça quand même assez curieux comme situation. Ça a été bloqué là, de YouTube, mais ça avait une portée pratique évidente. Donc, c'est sûr que si tes parents utilisent un oxymètre qui sert à évaluer la quantité d'oxygène dans le sang à l'enfant après que l'enfant ait porté le masque là, tout de suite après, là, parce qu'il faut pas attendre, parce que c'est sûr que, bon, si quelqu'un prend une mesure une demi-heure après que l'enfant et dans le fond, enlever le masque, peut-être que son état va revenir à la normale, tandis que si c'est fait directement au moment où ce que le masque depuis plusieurs heures, ben là, ça donne une mesure de qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est sûr que de documenter ça, pour évaluer la présence de préjudice. C'est une mesure très pertinente qui, dans le fond, pourrait avoir un impact là, en termes de changement de société. Mais ça, c'est un volet de ce que je vais aborder aujourd'hui. C'est, en fait, ce que je vais aborder aujourd'hui, entre autres, c'est la grande manipulation qu'on subit collectivement. Comme le Doc Mayhew l'a souvent dit, on est dirigé par des gens, puis à quelque part, il y a une hystérie collective qui se produit présentement. Donc, il y a des gens qui sont hystériques. Ils ont tellement peur là, qu'ils, en bon québécois, capotent. Ils exagèrent. Et la peur fait faire des choses, comme le disait Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec, des choses qui ont crissement pas d'allure. Puis il a employé un juron québécois pour mettre l'emphase que ça n'a vraiment pas d'allure. Et c'est sûr que c'est ce qui se passe là, présentement au Québec. Donc, la gradation des mesures, on est dans l'hystérie collective, c'est-à-dire que quelques semaines, les gouvernements ont dit les enfants qui sont situés en zone rouge vont devoir porter le masque à partir de l'âge de 6 ans en classe. Là, c'est rendu en zone orange. Donc, bref, comme la plupart des régions sont rouges ou oranges, ben à ce moment-là, c'est l'ensemble des enfants du Québec qui doivent porter le masque à partir de l'âge de 6 ans. Avant la crise, il y a un peu plus d'un an et demi, on aurait dit à un adulte, tu vas falloir que tu fasses porter un masque à ton enfant à partir de l'âge de 6 ans. Il aurait dit, voyons donc, ça se peut pas. Ensuite, le masque porté à l'extérieur, ça se peut pas. Ensuite, la possibilité d'avoir des amendes, tu sais, des rassemblements illégaux à l'intérieur ou à l'extérieur des domiciles. Quelqu'un aurait dit, ça se peut pas. Mais à cause de la peur, les dirigeants qui ont peur du virus vont chercher à imposer des mesures, puis une escalade au fil du temps des mesures. Et l'un des aspects que je veux vous amener à votre attention, et c'est sûr que c'est pas un aspect qui est mis en exergue par les médias de masse ici au Québec, qui, d'une manière totalement complaisante, lèche-botte, vont répéter le discours officiel du gouvernement. Et pour la simple et unique raison que je peux voir dans ce comportement de soumission à l'autorité politique par rapport tout simplement au fait que le gouvernement est la mamelle qui les nourrit. Donc, c'est sûr que les médias officiels sont subventionnés à coups de millions pour nous répéter que le vaccin, là, il y a une publicité qui circule ici au Québec depuis plusieurs semaines, là, qui me tombe sur les nerfs, qui dit « Le vaccin, là, c'est la seule solution. » Là, je me croirais ici dans un scénario de film, un peu comme « La guerre des étoiles », où on dit « Luke Skywalker est le seul espoir. » Tu sais, on dit qu'un personnage est le seul espoir pour sauver le monde. C'est un petit peu la même pensée par rapport au vaccin. On dit « c'est la solution unique. » Puis on est dans la pensée unique, pas pourri. Il existe aussi d'autres choses. Il existe le système immunitaire. Il existe, dans le fond, que ce soit l'hydroxychloroquine. Il existe aussi des gens qui vont prendre la supplémentation de vitamine D. Il existe différents moyens que certaines personnes ont proposés dans l'optique de faire face au coronavirus, donc la possibilité d'être malade, avoir un régime de vie qui est sain, naturellement, faire de l'exercice physique, avoir un mode de vie qui est adéquat, donc être doux envers soi-même, avoir du plaisir de vie aussi. Donc, il y a plusieurs façons de faire face. Puis là, on nous présente le vaccin, là, c'est la seule solution. On cherche à nous endoctriner avec cette idée-là qu'on répète. Et pourquoi que les médias marchent main dans la main avec les politiciens? C'est qu'ils savent très bien qu'à quelque part, si les petites et moyennes entreprises au Québec ferment, qui reste? Il va rester le gouvernement puis les grosses entreprises. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement, naturellement, avec, bien sûr, les couvre-feux, les mesures sanitaires, la distanciation sociale, la fermeture de commerces temporaires? Ben, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est la fermeture des commerces. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que, éventuellement, ben, les responsables des médias n'ont pas intérêt à se mettre à dos les dirigeants parce que c'est leur source principale de financement. Déjà qu'avant la crise du coronavirus, il y avait des journaux au Québec, que ce soit la presse, le Soleil, qui avaient des problèmes de financement et demandaient déjà des subventions au gouvernement pour pouvoir continuer à exister. Et là, c'est sûr que les choses vont pas nécessairement s'en aller en s'améliorant avec la crise. Donc, il n'y a pas vraiment de dépendance d'esprit. On répète le discours du gouvernement, mais ce que je veux attirer votre attention, c'est sur le phénomène de l'opposition contrôlée, voire orientée par les médias. Donc, sur YouTube, vous avez Claude Lafleur qui a produit depuis plusieurs mois des vidéos en lien avec le concept de l'opposition contrôlée qu'il a popularisé. Donc, il y en a une certaine vision. Puis ça, c'est vision personnelle, puis bon, c'est son affaire. En ce qui me concerne, ce que je peux dire en lien avec ce concept-là, c'est que présentement, à travers des chaînes de médias de masse, que ce soit Radio-Canada, TVA au Québec, et ça peut être un scénario similaire que les gens en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, peuvent vivre, c'est que on amène à canaliser les énergies des gens qui sont en colère par rapport à la crise sanitaire, etc. Puis, ce que je vois, c'est qu'on cherche à orienter l'énergie des gens par rapport à certaines causes. Depuis un certain nombre de jours, sur les bulletins de nouvelles de TVA, qui est le plus grand média de base ici au Québec, nous pouvons entendre Pierre Bruno de TVA Nouvelles, qui nous parle de féminicide, donc des femmes qui sont tuées. Et on nous parle que plusieurs femmes là, qui sont victimes de meurtres là, depuis les dernières semaines, et c'est inacceptable, ça, de dire que des femmes qui se font tuer, qui subissent de la violence conjugale, etc., c'est inacceptable, aucun problème. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on oriente le discours des gens qui sont en colère pour dénoncer cette cause-là. Et on va mettre l'emphase sur des manifestations en lien avec des gens qui vont aller dans la rue dénoncer la violence faite aux femmes, les féminicides. Même chose pour le phénomène du racisme. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a des problèmes de racisme systémique au Québec, au Canada. OK. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'on cherche à amener les gens à être mobilisé par ces causes-là plutôt que de s'opposer aux mesures sanitaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu quand même, entre autres au mois de mars, là, il y a eu quand même une manifestation où il y a eu un peu plus de 5000 personnes là, qui s'opposaient aux mesures sanitaires. Puis naturellement, soit qu'on n'en parle pas dans les médias de masse ou à peine quelques secondes. Il y avait eu la manifestation au mois de mars, puis au bulletin de nouvelles, c'était même pas en tête d'affiche. On en parlait quelques secondes après là sur les ondes de TVA que j'avais écouté. À chaque fois qu'il y a des manifestations, c'est soit qu'ils vont en parler de manière à les discréditer, ou peu, ou pas, en lien avec, à s'opposer avec les mesures sanitaires. Mais pour ce qui est du racisme, il parlait d'une manifestation dans le même bulletin de nouvelles où il y a à peu près peut-être une centaine de personnes réunies pour dénoncer une situation de racisme. Puis, il y en avait eu des milliers pour dénoncer la crise sanitaire, mais ils ont fait à peu près un reportage de peut-être deux minutes et demie sur les manifestants et leurs revendications pour s'opposer au racisme, mais pas contre les mesures sanitaires. Puis là, présentement, on met l'emphase là, sur le fait que des gens, des femmes qui se font tuer, et on dit que c'est inacceptable, que les organismes qui viennent en aide aux hommes violents, aux femmes victimes de violences, doivent avoir plus d'argent, etc. OK, mais à un moment donné, il faut peut-être prendre le temps de se poser la question à qui ça sert qu'on mette l'emphase sur ces injustices-là, qui sont des injustices qui sont réelles, alors que faut réaliser que si présentement il y a des femmes qui sont victimes de violences, eh bien, à quelque part, les mesures sanitaires extrêmes qui font en sorte que les gens sont encabanés chez eux, les gens sont limités dans leurs droits individuels, les gens peuvent plus faire du sport, peuvent plus s'entraîner en salle d'entraînement pour se défouler, etc. Est-ce que ça pourrait être possible que toutes ces mesures-là participent à augmenter la violence? Donc, autrement dit, que ce soit des facteurs aggravants de problématiques de violence qui pouvaient déjà être latentes, mais que le fait qu'il y a des confinements, il y a des mesures très strictes sociales participent à créer du stress, de la tension, de la frustration, qui sont des éléments qui peuvent amplifier la violence et que, à quelque part, il faudrait évaluer si la violence liée aux femmes subissent n'est pas symptomatique d'une société qui est malsaine et d'une gestion de crise qui amène des individus à être étouffés. Donc, une gestion de crise qui occasionne de nombreux dommages collatéraux sur le plan économique, bien entendu, mais des dommages aussi humains et à aggraver des problématiques sociales qui étaient déjà là. Donc, dans aucun média, que ce soit TVA, Radio-Canada ou autre de masse, j'ai entendu un journaliste remettre en question les mesures sanitaires ou évoquer la possibilité que ces mesures-là participent à augmenter le nombre de cas de femmes victimes de violences. Donc, c'est sûr que ce qui m'apparaît évident, c'est qu'à quelque part, la dégradation de la situation sociale présentement qu'on connaît au Québec avec une accentuation du phénomène de la violence conjugale est l'un des symptômes associés à la mauvaise gestion de crise qu'on connaît. Et au lieu de, dans le fond, à quelque part, mettre l'emphase sur changer la gestion de crise, changer le rapport au coronavirus et faire autre chose, ben non, on fait pas ça, on ne remet pas en question le fondamental et les gens sont orientés vers s'opposer, bon, à la violence conjugale, mais si on règle pas la situation de fond, de crise de coronavirus avec une gestion où on amène des gens à vivre de l'isolement chez eux, à vivre de la solitude. Donc, on invite les gens à plus aller au travail. On diminue la possibilité aussi des élèves d'aller à l'école où on leur parle de faire de la formation à distance. Bien, tout cet isolement-là peut être le terreau fertile pour l'augmentation de la violence conjugale, des problèmes de sociaux, de la négligence parentale, peut-être même des cas de suicide. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut réaliser, c'est que s'il y a des gens qui, dans le fond, veulent dénoncer les mesures, c'est un tabou social parce que au niveau gouvernement qui marche en collaboration avec les journalistes, et vice-versa, hein, les deux marchent main dans la main. Pourquoi? Ben parce que les journalistes, on ne mettrait pas en question la gestion du gouvernement qui les entretient à coups de millions à chaque mois. Donc, à ce moment-là, on ne remet pas ça en question, puis on subit des dommages collatéraux, puis on se pose des questions. On se demande comment ça, qu'il y a de la violence conjugale qui augmente de même au Québec. Comment ça qu'il y a des problèmes de décrochage scolaire auprès des jeunes ou des problèmes au niveau de l'apprentissage? On se pose des questions, naturellement. Puis, on est amené dans une situation où on est... Comment dire? On va pas regarder les problèmes sociaux fondamentaux qui occasionnent un paquet, qui sont la cause de paquets de problèmes. Et c'est sûr que le fondamental par rapport à ça, c'est l'imposition de mesures qui sont drastiques, donc qui sont draconiennes. Et quelque part, on vise, pour des raisons préventives, parce que les dirigeants vivent beaucoup à la peur, à imposer des choses comme, par exemple, il y a quelques jours, le nombre de cas à Montréal puis à Laval n'était pas en augmentation, mais on remet le couvre-feu à 20 heures. Pourquoi? Ben au cas où que ça augmente à ces endroits-là, parce que d'autres endroits que ça augmente au Québec. Donc, c'est pas fondé sur les faits. C'est fondé sur une anxiété d'anticipation liée à une peur que ça augmente. Et François Legault, qui dirige le Québec, comme il l'expliquait, ben c'est lui qui... prend la décision finale par rapport au décret. Il peut prendre en considération la santé publique, c'est le fait, mais ce que j'observe, c'est que la peur du virus amène une gestion que je trouve étrange. Si on prend par exemple le cas des jeunes enfants qui, à partir de l'âge de 6 ans, sont masqués et que leur faire porter un masque à journée longue... On ne regarde pas dans le rapport coût-bénéfice, je trouve assez, l'impact développemental, puis l'impact aussi sur plusieurs années. Donc, si on fait, plus qu'on fait vivre, en fait, un traumatisme en bas âge à un enfant en développement, donc si on fait peur à un enfant, puis il développe une peur traumatique, puis la personne, elle vit jusqu'à 90 ans, ben avoir une bonne partie de sa vie hypothéquée, là, c'est à partir de l'âge de 6 ans, on l'amène avec des mesures puis un endoctrinement scolaire, être à 2 mètres des autres, porter le masque, le lavement des mains obsessif, puis avoir peur des virus un peu partout. Si on conditionne un enfant de 6 ans puis il vit jusqu'à 90 ans, à être programmé, à avoir peur, ben à ce moment-là, ben on en fait sans doute un sujet qui sera peut-être docile à se soumettre à une dictature technocratique. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des individus qui peuvent avoir des intérêts économiques, donc des multinationales du domaine de l'informatique, à implanter à l'échelle de la Terre un système de crédit social comme en Chine. Donc, autrement dit, devant la peur de la menace du coronavirus, c'est qui, présentement, que ça profite? Bien, c'est les gestions, c'est les géants du web, les grands gagnants depuis le début de la crise, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, et on peut rajouter Microsoft, là, naturellement. Pourquoi? Bien, on incite les gens à étudier à distance, on incite les gens à faire du télétravail, on incite les gens aussi, pour éviter la propagation du coronavirus, à se masturber. Puis si on mélange chaud avec l'utilisation du web, ben ça peut faire des gens qui se masturbent en regardant des vidéos érotiques sur Internet. C'est sûr que, dans le fond, le comportement aussi socialisé, aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou d'autres médias, où toutes les conversations et tout ce qui se fait peut être sauvegardé. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à tout ce qui est dit sur le web, naturellement, c'est délicat, parce que c'est ça me fait penser au cas qui avait été, dans le fond, abordé dans le cadre d'une émission de radio. Il y avait eu il y avait un gars qui était dans la vingtaine, puis il était en contact avec une autre personne de l'autre côté de la caméra, puis l'autre personne lui avait demandé de se masturber devant la caméra. Puis l'autre personne se faisait passer pour une fille, mais c'était pas vrai. C'était des gens qui voulaient avoir une rançon. Et le jeune naïf s'est exécuté. Puis par la suite, la personne à l'autre bout lui a demandé, dans le fond, des milliers de dollars. Sinon, qui allait diffuser la vidéo qu'il a capturée de lui en train de se masturber à ses habits. Et le jeune n'avait pas l'argent pour payer la rançon. Résultat, le jeune s'est suicidé. Donc, ça peut avoir des conséquences catastrophiques, là, c'est sûr, de se masturber en regardant des vidéos. Mais pourquoi que je vous parle de ça? C'est que ça fait partie du mode de vie en lien avec la peur du coronavirus. Donc, la phobie sociale qu'on est en train d'installer de plus en plus, qu'on cherche à mettre en place, c'est-à-dire des individus isolés les uns des autres qui vivent dans leur bulle. Donc, dans un retrait social, à tout le temps à 2 mètres des autres ici au Canada. En Europe, je sais que c'est 1 mètre. On a des particularités culturelles, hein. Ici, le virus, peut-être qu'il est plus virulent au Québec qu'en Europe. Fait que c'est pour ça qu'il faut plus s'en éloigner, là. Ça serait à démontrer scientifiquement, mais c'est ce qui se passe. Sinon, ben, c'est sûr que je veux profiter du fait que je vous parle présentement. À partir là, de ma chaîne là, sur Odyssey, qui est un espace de liberté, pour vous dire qu'est-ce que je pense de la gestion de crise. Ben, fondamentalement, la gestion de crise puis l'histoire du masque extérieur, pour moi, c'est de la foutaise, parce qu'il n'y arrive à un homme ou à une femme ou même à un transsexuel ou à un individu non-genré, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que je m'adapte là, aux réalités socioculturelles mouvantes sur le plan identitaire, eh bien, il n'y arrive qu'à un individu ce qui lui ressemble, comme l'avait déjà déclaré André Moreau. Donc, autrement dit, il n'y a rien de moins accidentel qu'un accident, en ce sens que la réalité est le fruit de programmation et que, à quelque part, eh bien, si un individu attrape le coronavirus puis en décède, ça fait partie de son expérience. Et à ce moment-là, c'est toujours à regarder aussi qu'est-ce que la personne veut fondamentalement dans sa vie. Donc, l'individu attire les événements de par la synchronicité universelle, c'est-à-dire que l'univers, pour moi, est synchrone, c'est quelque chose d'unique. Donc, j'ai une conception moniste de l'univers, donc une seule chose qui existe dans l'univers, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à mon discours, mais je vous l'expose ici, qui fait en sorte que, par exemple, de par les récentes découvertes de la physique quantique, on en vient à la conclusion qu'il existe un champ quantique, donc une structure d'énergie unifiée, qui fait en sorte que, par exemple, le simple fait d'observer quelque chose permet d'agir dessus. Et la physique quantique nous amène une conception du monde et des éléments qu'il compose sur le plan physique comme n'étant pas séparé. Ce qui veut dire que techniquement, je ne suis pas séparé du coronavirus, je ne suis pas séparé de mon voisin, je ne suis pas séparé des planètes, du soleil, etc. Donc, autrement dit, je suis en interaction avec le tout. Et comme je vais dans le sens de l'épistémologie constructiviste, c'est-à-dire que le monde est une construction de la conscience qui se donne le monde comme représentation, comme l'évoquait le philosophe Arthur Schopenhauer, bien, à ce moment-là, si le monde n'existe pas en soi, mais par soi, parce qu'on se le donne comme représentation, car à chaque fois qu'on regarde le monde, bien, à ce moment-là, on le fait exister, car sans personne pour regarder le monde n'existe pas par lui-même. Donc, autrement dit, c'est la même chose pour le coronavirus. Plus qu'on parle de la menace d'une troisième vague et que le virus est là à nous menacer, puis plus qu'on nourrit l'hystérie collective, la psychose mondiale associée à la pandémie qu'on nous dit. Donc, autrement dit, on constitue ça, puis les gens des bulletins de nouvelles participent à propager une vision du monde anxiogène dans les médias. Et pour moi, c'est très malsain. Puis en même temps, ben, je suis pris en otage par les journalistes, en ce sens qu'au Québec, il y a tellement eu de changements rapides en ce mois d'avril, en lien avec les mesures, qu'on est comme pris à écouter des bulletins de nouvelles, puis ils font des décrets rapides. Comme, par exemple, il y a quelques jours, eh bien, à une journée d'intervalle, ils annoncent la fermeture des restaurants. Donc, ensuite, à une journée d'intervalle, on va annoncer, par exemple, le couvre-feu passe de 21h30 à 20h dans la région de Chaudière-Appalaches, et ainsi de suite. Donc, des changements rapides. On nous dit que c'est pour faire reculer rapidement la troisième vague, mais en même temps, ça peut avoir une fonction aussi d'amener une érosion de la capacité de l'individu de suivre les mesures sanitaires ou de remettre les choses en question. Autrement dit, il y a tellement de changements rapides que ça devient difficile de suivre, puis il devient beaucoup plus facile de se soumettre à tout ce qui est dit sans questionner qu'est-ce qui est dit, l'évaluer par soi-même avec une indépendance d'esprit. Donc, c'est, dans un sens, possiblement une forme d'invitation à la démission psychique pour qu'il y a une adhésion à une mentalité du propos, en ce sens que c'est tellement complexe, c'est tellement changeant qu'on va suivre d'une manière aveugle ce que le gouvernement nous dit de faire. Donc, on passe de 21h30 à 20h pour le couvre-feu, 20h, pardon. Et 21h30, 20, là, vous voyez, j'ai de la difficulté à suivre. Je me fais prendre au jeu. Mais il y a beaucoup de changements rapides, puis ça déstabilise le système nerveux, puis ça crée des chocs. Et à quelque part, il y a beaucoup de gens qui sont brisés sur le plan psychique, sont fragilisés. Puis après ça, on est surpris d'apprendre que des gens à Montréal ont fait du grabuge, puis s'opposant au retour au couvre-feu de 21h30 à 20h, ont décidé de saccager des commerces. Puis là, on voit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à la télévision, à être scandalisé par tout ça. Ben oui, c'est sûr que c'est pas intelligent là, de casser. Naturellement, je n'encourage pas le vandalisme ni la violence, mais moi, je ne suis pas surpris parce que, à quelque part, plus que de la répression sociale et plus que ça crée de la tension aussi sociale. Et c'est sûr que d'une manière stratégique, ça peut être possible qu'il y a certains individus qui peuvent avoir intérêt à ce qu'il y ait une escalade de tensions sociales ou de laisser ça aller pour, par la suite, mettre en place des mesures encore plus grandes de répression sociale. Et la particularité de la situation présente, c'est de voir les journalistes non pas défendre l'intérêt du citoyen, mais en termes de liberté, mais plutôt au contraire, demander toujours au gouvernement plus de mesures pour freiner la vague du coronavirus, parce que c'est sûr de parler de la menace d'une troisième vague du coronavirus, qu'on est dans la troisième vague, puis ça augmente, c'est bon pour les cotes d'écoute, c'est bon pour avoir l'attention, parce que, à quelque part, c'est un événement qui, de par sa dimension anxiogène, va amener des gens, à cause qu'ils ont peur, à vouloir se renseigner, pour, à quelque part, comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est là que les journalistes, bien, ont l'attention des gens, c'est en les faisant peur. C'est sûr que si on dit dans un bulletin de nouvelles que tout va bien, ben, à ce moment-là, ils n'auront peut-être pas le goût d'écouter les bulletins de nouvelles. Mais là, si on dit que la situation est grave, est épeurante, on leur présente des graphiques avec un fond d'arrière-plan rouge, puis on dit qu'on est en zone rouge avec des mesures d'urgence, donc c'est comme si on est un rouge foncé, ben là, ça attire l'attention. Pourquoi que les gens, leur attention est attirée par des événements liés à la peur? C'est tout simplement en relation par rapport à une programmation biologique ancestrale. C'est-à-dire qu'autrefois, nos ancêtres vivaient dans un contexte où, pour des raisons de survie évidentes, ceux qui survivaient, c'était ceux qui avaient une attention plus grande à faire preuve de vigilance par rapport à toute menace potentielle. Donc, un bruit suspect en forêt, ben, c'était intelligent à l'époque qu'un individu soit extrêmement vigilant, au cas où que ce soit un animal sauvage qui attaque, tel un lion, ses enfants ou lui-même, là. Donc, la vigilance était appropriée dans un autre contexte, et là, le cerveau resté avec ce principe d'hypervigilance par rapport à la menace et information anxiogène pour y accorder de l'attention. Et on est programmé biologiquement là, par rapport à ça, dans un sens. Et c'est sûr que, dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que, à quelque part, les médias se nourrissent de la peur. Puis derrière les médias, ben il y a le plan astral avec sa structure énergétique qui se nourrit de toutes les énergies des êtres humains qui vibrent à la peur présentement, puis eux autres, c'est très rentable. Donc, c'est sûr que présentement, ils font des gains en capital. Si ça serait une industrie boursière, ils feraient beaucoup de profit. Hein? Parce que l'idée de véhiculer la peur du coronavirus à l'échelle internationale, ça marche, ça fonctionne. Et ça mène les individus étant à vibrer à la peur, à ne pas être disponibles simultanément, à faire preuve d'esprit critique et à être stable dans le mental. Donc, voilà où ce qu'on en est. Sinon, je voulais vous dire ce que je pense là, fondamentalement par rapport à toute la crise. C'est que le risque zéro n'existe pas. Et que présentement, on cherche à vouloir se protéger des êtres humains en mettant en place plein de mesures et, à quelque part, ça occasionne des effets collatéraux, des effets pervers extrêmement néfastes. Et un jour, les gens auront à se poser la question à savoir, est-ce que les effets collatéraux liés à la gestion de crise du coronavirus sont-elles moins pires que la menace en tant que telle du virus? Et ça, c'est la question que les gens devront un jour se poser. Moi, j'ai ma réponse intérieurement, naturellement. Pour moi, la gestion est totalement ridicule. Les choses pouvaient être gérées autrement. T'empêches pas des jeunes enfants à partir de 6 ans là, de respirer librement. Même chose pour des adultes en santé. Pour ce qui est des clientèles à risque, ou si la personne, d'une manière volontaire, veut s'isoler chez elle, aucun problème. Si elle veut rester à 2 mètres des autres, aucun problème. Si elle veut un équipement de sécurité, aucun problème. Mais pourquoi pénaliser l'ensemble d'une société par rapport à un petit nombre d'individus qui sont à risque présentement dans des conséquences extrêmement graves liées au coronavirus? Et là, je m'appuie sur les statistiques. Dans les statistiques, à l'heure actuelle, on parle pas de jeunes qui ont 20 ans en pleine santé qui en meurent. On va dire, ah, il y a de plus en plus là des jeunes qui en meurent, puis là, on nous présente des exemples de cas anecdotiques. Mais si la personne, elle peut avoir 19 ans ou elle peut être un peu plus âgée puis elle attrape le coronavirus, les journalistes vont mettre l'emphase, cette personne-là est morte du coronavirus, mais on va pas nécessairement poser la question, est-ce qu'elle avait, cette personne-là, des comorbidités? Donc, en lien avec ça, ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, par exemple, discuter avec ma mère au téléphone, elle me dit « Ah, là, dans la troisième vague avec les variants, il y a de plus en plus de jeunes qui meurent du coronavirus. » J'ai dit « OK. Est-ce que ces enfants-là ou ces individus-là, hein, ces jeunes-là, avaient des comorbidités, c'est-à-dire déjà des problèmes de santé importants qui pouvaient entraîner la mort ou participer à ce que la personne meure d'une manière prématurée? » J'ai dit, est-ce qu'il y en avait? Est-ce que tu le sais? Non. Bon, ben, fin de la conversation. Puis plusieurs fois, je la ramenais sur ce point-là. Parce que les journalistes n'en parlent pas. On met l'emphase sur certaines parties de l'information pour faire peur aux gens, pour dire, ben, tout le monde peut mourir du coronavirus. Donc, tout le monde doit se soumettre aux mesures sanitaires puis propager la bonne nouvelle qu'un vaccin nous est donné pour nous sauver puis se faire vacciner. Donc, on est dans une période où, au nom de la propagande, et je suis sûr et certain, en fait, j'en ai une grande certitude que présentement, il y a des journalistes qui mettent l'emphase sur le fait que des jeunes ont attrapé le coronavirus puis qu'ils sont morts, pourraient, d'une manière volontaire, omettre le fait qu'il y avait des comorbidités en croyant faire le bien, en disant que, ah, j'agis ainsi, mais je vais sauver des vies par rapport à mon action, je vais amener des gens à être plus prudents. Donc, croire faire le bien. Même chose pour le gouvernement, avec François Legault, Christian Dubé, ici au Québec, Dr. Arocio Arruda. Donc, tous ces gens-là, dans le fond, peuvent, au niveau spirituel, désirer sauver la veuve puis l'orphelin en imposant des choses, mais ils réalisent pas tout le tort qu'ils peuvent faire à la société. Pourquoi? Parce que, à quelque part, l'amour spirituel, comme l'amour en général, ça peut rendre aveugle. Donc, on est tellement occupé à vouloir sauver la santé que pendant ce temps-là, plein d'entreprises peuvent fermer, des gens avoir des problèmes justement de violence conjugale, des gens suicidaires, du décrochage scolaire, des pertes d'emploi. Mais tout ça est tassé pour juste centrer son attention sur la menace du coronavirus. Donc, la peur du coronavirus peut rendre aveugle par rapport à d'autres problèmes psychosociaux qui peuvent être très néfastes pour la société. Sinon, je voulais en parler plus tantôt, puis là, c'est à travers cette capsule qui vise à me permettre de m'exprimer librement. Je vais vous dire ce que je pense sincèrement du vaccin. Donc, par rapport à ce qu'on appelle, ce qu'on décrit dans les médias comme étant un vaccin, mais qui n'en est pas un, naturellement, une thérapie génique avec messagerie ARN, on nous présente ça comme étant la solution miracle pour la sortie de crise. Mais bien entendu, c'est une manipulation. Donc, lors de l'été de l'année 2020, au mois de juillet, en plein été, à la grosse chaleur ici au Québec, lorsque le port du masque obligatoire a été adopté, eh bien, il y a un journaliste qui a posé la question au gouvernement, quand est-ce que le masque pourra arrêter d'être porté? Et un responsable du gouvernement avait répondu, c'était Horacio Arruda, que ça va être lorsqu'on va avoir un vaccin. Puis, bien entendu, les mois se sont écoulés, il y a eu des mesures sanitaires mises en place, le couvre-feu, etc. Et là, on commence à vacciner les gens de plus en plus. Et, naturellement, lorsque le vaccin est là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben, les gens qui sont vaccinés, vous allez devoir continuer les gestes barrières, rester à 2 mètres des autres, porter le couvre-visage. Pourquoi? Ben, parce que le vaccin n'immunise pas contre le coronavirus. Ce qui fait tout simplement, c'est ce qu'on appelle le vaccin, en passant, la thérapie génique. Je me réajuste sur le plan de mon vocabulaire pour désigner la chose d'une manière adéquate. La thérapie génique, ce qu'elle fait, c'est que si la personne l'attrape, eh bien, elle va l'avoir plus faible. C'est ce qu'on raconte. Donc, c'est le discours qu'on nous vend. Puis bien entendu, que les gens soient vaccinés, pas vaccinés, la crise prend pas fin. À quelque part, la façon qu'est construite la crise actuellement, parce qu'il y a une échelle de zones, la zone rouge, la zone orange, la zone jaune, la zone verte, puis même en zone verte, où il n'y aurait pas de cas du tout là, de coronavirus, bien les mesures d'urgence restent pareilles. Donc, on a construit une hyperstructure d'une manière graduelle, avec un gradualisme, avec des mesures sanitaires et des changements sociaux importants. Et c'est pas en voie de s'estomper. Donc, en ce qui me concerne, si on pose la question présentement, est-ce que tu veux te faire vacciner? La réponse, c'est non. Est-ce que tu te sens menacé par le coronavirus? La réponse, c'est non. J'ai 40 ans. À l'heure actuelle, c'est sûr que, bon, je suis encore jeune. Puis, dans un contexte de ce que j'ai vu par rapport aux informations sur le web, les gens qui sont à risque d'en mourir sont essentiellement âgés de 80 ans et plus. Donc, juste au niveau logique, sans même aller dans les considérations métaphysiques ici, ce qui a été montré dans un article que j'ai lu en plus des médias officiels de TVA, 97% des gens qui en meurent du coronavirus ont une comorbidité, avaient déjà un problème de santé chronique important. Mais là, faut mettre les choses en contexte, là. Donc, est-ce que je me sens menacé par le coronavirus? La réponse est non. Est-ce que je vais me faire vacciner présentement? La réponse, c'est non. Par contre, c'est sûr que si on crée un mode de vie qui devient de plus en plus invivable pour les gens qui ne sont pas vaccinés, ben à ce moment-là, je vais peut-être évaluer la chose. C'est-à-dire que si progressivement, on me dépouille encore plus de mes droits, déjà comme on a dépouillé de pas mal là, depuis les derniers mois. C'est sûr que on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais progressivement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une pression sociale pour créer un désir ardent du vaccin. Ce qui est arrivé avec ce qu'on appelle le vaccin d'AstraZeneca, où le gouvernement d'un côté du Québec a dit « Ah, il est sécuritaire, même qu'est-ce qui se passe en Europe. » Puis là, finalement, ben, on apprend qu'il y a eu un cas de thrombose au Québec, en lien avec la vaccination, ben là, il y a comme une contradiction. Donc, c'est sûr que là, il y a des gens qui peuvent avoir certaines craintes par rapport au vaccin. Et c'est sûr que par rapport à la mauvaise presse qu'a eu, entre autres, le vaccin AstraZeneca, ça peut faire en sorte qu'il y a peut-être des gens qui ne voudront pas se faire vacciner. Mais en même temps, qu'est-ce que fait le gouvernement pour amener les gens à désirer ardemment le vaccin qui est présenté comme étant la lumière au bout du tunnel? Et c'est pas moi qui l'invente, là, c'est François Legault qui dirige le peuple de Québécois vers la lumière qui nous dit ça. Donc, cet illuminé nous dit que, à quelque part, le vaccin... c'est la solution. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est sûr que si les gens en veulent pas du vaccin ou ils ont peur par rapport à la mauvaise presse d'AstraZeneca, ben, simultanément, on est dans un contexte où on augmente les mesures. Les gens au travail, il faut qu'ils portent le masque là tout le temps. Ensuite, à l'extérieur, avec des amis, quand ils font du sport, on met de la pression sur les individus pour tellement les écœurer à porter le masque, qui n'auront d'autre choix que de se mettre à genoux pour implorer le gouvernement pour se faire injecter le vaccin dans les veines. Donc, on cherche à créer la désirabilité sociale de la vaccination, puis mettre une pression là, par rapport à ça. Donc, c'est une manipulation. Puis moi, la façon que je vois ça, c'est qu'on, en tant que collectif, on est dirigé un peu comme pourrait le faire un éleveur de moutons. Donc, l'éleveur de moutons en veut un beau troupeau pour avoir un bon prix par la suite à l'abattoir. Donc, on entraîne les gens dans une direction, ensuite dans une autre. Donc, c'est sûr que tout ça s'est fait d'une manière graduelle. On s'est mis dans les pieds dans un engrenage au niveau collectif. Donc, on nous a dit, c'est une urgence sanitaire, ça a commencé à peu près là, un peu plus d'un an. Ah, c'est juste un petit 2 semaines là, de confinement. Puis finalement, 2 semaines devient un mois, puis finalement, ça devient plusieurs mois. Finalement, on impose le port du masque obligatoire, donc à l'intérieur. Ensuite, on est en train de le rendre... On l'a rendu, en fait, obligatoire pour les rencontres de gens qui n'appartiennent pas aux mêmes unités familiales au Québec. Ensuite, le couvre-feu, chose qu'on n'aurait jamais pensé auparavant, c'est rendu obligatoire, donc... On met en place des mesures, puis on dit, du masque, il va falloir le porter jusqu'à temps qu'il y ait le vaccin. Puis là, finalement, le vaccin, il faut continuer des mesures sanitaires, puis progressivement, on va nous entraîner. Donc, on va sans doute orienter l'opinion publique vers le passeport sanitaire. Déjà, on en parle ouvertement. Christian Dubé, qui est le ministre de la Santé ici au Québec, en a parlé. Donc, on se dirige vers ça. On est orienté vers ça. Fait qu'on va nous présenter le passeport sanitaire comme étant la solution pour les gens qui se sont fait vacciner. Et j'ai parti à rire quand j'ai lu l'article de Mario Dumont, qui est un chroniqueur politique là, de la chaîne de TVA, qui a dit que le passeport sanitaire, c'est totalement logique. Vous pouvez retrouver l'article là, sur le web, là, naturellement. Et lui, ce qu'il disait, c'est ça va pas créer deux classes de citoyens, le passeport sanitaire. Donc, c'est pas quelque chose qui va diviser les gens, puisque, à quelque part, tout le monde peut y avoir accès gratuitement, donc, au vaccin qui mène au passeport sanitaire. Donc, il n'y a pas personne qui est exclu par rapport à la vaccination. Puis là-dessus, il n'y a pas tard. Par contre, le fait de pas avoir le passeport vaccinaire pourrait faire en sorte qu'éventuellement, si la société se structure en fonction de lui, l'individu progressivement, en plus d'être obligé de porter le masque extérieur avec des amis ou lorsqu'il va au cinéma, ne pourra plus aller au cinéma. Déjà que c'est pas agréable, aller au cinéma au Québec présentement, la personne n'a pas le droit de boire puis de manger. Ensuite, si elle est avec des personnes qui n'appartiennent pas à la même unité familiale, elle doit être à 2 mètres d'eux autres. Donc, elle peut pas discuter avec eux avant ou après le film pour donner son appréciation de la prestation cinématographique. Ensuite, au cinéma, ben, il faut qu'elle garde le masque en tout temps à la figure car c'est un lieu public intérieur. Donc, c'est déjà pas agréable. Puis là, en plus, pour être exposé à un film dans un contexte autant castrant des libertés individuelles, il va falloir que l'individu ait un passeport vaccinal à présenter. C'est sûr que la réponse que je donne à ces autorités qui cherchent à mettre ça en place, c'est non, merci. C'est sûr que présentement, dans le contexte présent, c'est facile pour moi. Par contre, bien entendu, après le cinéma, après par la suite la possibilité d'aller voir des matchs de hockey, j'y allais pas, aller peut-être au festival d'été, des événements de groupe qui s'adressent à la foule, à la masse, mais là, ça va devenir plus, dans le fond, comment dire, difficile à accepter. Là. Si à un moment donné, tu peux plus aller à l'épicerie chercher de la nourriture, c'est sûr qu'on peut dire, bon, on va se faire livrer l'épicerie, ou même chose, livrer de la nourriture du restaurant, mais au fil du temps, si on diminue nos libertés en lien avec le passeport vaccinaire, peut-être qu'on va se ramasser comme ce reportage que j'ai écouté sur YouTube, où il y avait des manifestants qui s'opposent au passeport vaccinaire, et c'était, dans le fond, à Israël, qui, naturellement, Israël, qui est composé de Juifs, il y a plusieurs Juifs là, qui ont connu, entre autres, la Deuxième Guerre mondiale, qui, il y a plusieurs décennies, qui ont été vivre en Israël. Et ce qui était particulier dans les manifestants, c'est qu'il y en a qui avaient des étoiles de David d'afficher sur eux, le même type d'étoile que les nazis demandaient aux Juifs de porter, qui était une mesure totalement discriminatoire. Et là, en Israël, qui ont une entente sur le plan, dans le fond, vaccinal très importante là, par rapport au vaccin de Pfizer, qui font en sorte qu'ils ont été massivement vaccinés en premier. Mais en contrepartie, Israël doit donner accès à des éléments là, au niveau statistique là, par rapport aux gens vaccinés, là, à la compagnie, un retour d'informations important. Eux autres, ben c'est ça, il y a des gens qui, dans le fond, dénoncent la ségrégation qui est en train de se mettre, qui s'est mise en place en fait en Israël. Et c'est sûr que si on n'est pas vigilant, ben qu'est-ce qui va se passer au Québec, en France? Ben ça peut être quelque chose de similaire. C'est sûr qu'il y a plusieurs mois, de parler de la possibilité d'un passeport vaccinaire, les gens, lors de l'automne 2020, se faisaient traiter de conspirationnistes, faisaient traiter de paranoïa, de virer fou, d'exagérer. Mais là, aujourd'hui, là, au Québec, on est sur le bord de connaître ça. Bien entendu, le passeport vaccinal, je n'en veux pas parce que c'est une mesure de contrôle social qui, par la suite, pourrait déboucher avec l'identité numérique, naturellement, qu'on vise à développer simultanément à un état de contrôle très grand des citoyens qui serait similaire, analogue à celui que connaissent les gens en Chine avec le crédit social. Et ce n'est pas de la science-fiction. Vous pouvez aller sur, entre autres, YouTube, il y a un documentaire d'ARTE la télévision franco-allemande, qui s'intitule « Tous sous surveillance, 7 milliards de suspects ». De par les moyens technologiques actuels, il est possible de mettre en place une dictature technocratique à l'échelle de plusieurs pays. Donc, la dictature là, sanitaire est supervisée par surveillance des citoyens grâce aux moyens de technologie moderne et quelque chose de possible. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut réaliser, c'est que, à quelque part, bien, il faut pas être naïf par rapport à ce qui se passe là présentement, là, dans le sens qu'on est sur le point d'entrer dans une société avec un contrôle numérique renforcé et un espionnage perpétuel des citoyens. Et ça, bien, ça pourrait se faire au nom de la menace sanitaire, au même titre qu'aux États-Unis, à travers le Patriot Act, qui a été mis en place suite aux attentats du 11 septembre 2001, fait en sorte que les citoyens un peu partout dans le monde peuvent être surveillés par les autorités américaines, si on pense entre autres à la CIA, pour voir si parmi eux, il y aurait des gens qui voudraient perpétrer une menace terroriste contre les États-Unis. Donc, espionner les conversations faites sur le web, tout ce qui peut s'enregistrer sur le web peut être sujet à contrôle gouvernemental. Et là, on observe naturellement avec le contrôle qui s'exerce de par la pression du gouvernement, entre autres sur les médias. À ce moment-là, on observe qu'à quelque part, beaucoup de lancettes d'alerte sont censurées. Et c'est une mouvance là, qui est très préoccupante, naturellement. Mais l'essentiel, c'est d'être libre de ce contrôle dans sa psyché. De se donner le droit de déconfiner le mental, de donner le droit aussi de décréter qu'on peut être heureux en dépit de la folie et de l'hystérie collective dans laquelle nous plongent nos dirigeants. Donc, c'est sûr que présentement, on est dans une hypnose collective et la bulle hypnotique ne cesse de prendre de l'ampleur et permet d'accepter des choses qui, il y a à peine quelques mois ou quelques jours, serait impensable. Donc là, on est rendu avec le... Ça a été par étapes, hein? On dit aux gens, le virus est très dangereux, restez à 2 mètres des autres, lavez-vous les mains, portez le masque à l'intérieur obligatoire, portez le masque à l'extérieur obligatoire dans les groupes. Puis là, on va nous tirer vers la vaccination, le passeport vaccinal. Puis, à quelque part, l'hypnose fait en sorte qu'une gradation qui crée à travers des campagnes publicitaires monstres orchestrées par les gouvernements l'acceptabilité sociale de certaines choses qui autrement ne le seraient pas. Et l'hypnose collective, là, c'est pas typique là, de l'époque actuelle. C'est sûr qu'on a des médias de masse qui n'y avait pas il y a à peine quelques décennies, entre autres à travers le web pour propager et relayer de l'information d'une manière instantanée. Mais la propagande médiatique, ça l'a déjà existé à d'autres époques avec l'hypnose collective que ça peut générer. Dans le temps de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler avait tiré profit de la radio qui avait été rendue accessible pour que chaque foyer en Allemagne puisse entendre son Führer parler avec intensité à la radio. Et par rapport à cette époque, l'hypnose collective a permis de créer chez un peuple, celui allemand, l'acceptabilité sociale du discours nazi pour, dans le fond, la haine des Juifs, donc un discours haineux. Et donc, ça s'est fait d'une manière progressive. Les mesures qui allaient à l'encontre des Juifs, par escalade, se sont faites étape par étape. C'est sûr que si je pense, entre autres, au film Le Pianiste, d'ailleurs, je voyais qu'il était affiché sur Netflix. Il y a des gens qui sont abonnés à Netflix. Je vous encourage fortement à écouter ce film-là. Où il était question que lorsque la Pologne a été envahie par les nazis, eh bien, progressivement, les libertés individuelles des Juifs qui y résidaient ont été retirés. Donc, progressivement, les Juifs n'avaient plus le droit d'aller au café. Ensuite, les Juifs n'avaient plus le droit de circuler sur le trottoir. Ils n'avaient plus le droit de s'asseoir sur un banc public. Ensuite, ils n'avaient plus le droit de posséder une certaine quantité de montants. Ensuite, ils ne pouvaient plus habiter leur logement. Ensuite, ils devaient aller dans le ghetto de Varsovie. Puis ensuite, du ghetto de Varsovie, ils étaient amenés par train à aller dans des camps d'extermination, donc des camps de concentration où ils étaient tués. Donc, puis pendant ce temps-là, les gens en Pologne voyaient qu'est-ce qui se passait. Puis, même chose pour les Juifs qui étaient persécutés en Allemagne, où les mesures qui allaient à leur encontre allaient en amplifiant. Puis, il y avait, les nazis avaient créé une forme d'acceptabilité sociale, entre autres en Allemagne, par rapport à tout ça, dans le sens que le régime a pu perdurer. Dans le fond, alors que ces mesures-là ont augmenté de plus en plus là, pendant une bonne partie là, des années 30. Donc, tout ça pour vous dire que, à quelque part, en lien avec ça, c'est qu'une hypnose collective présentement qui est faite par rapport à la menace du coronavirus et que, à quelque part, l'acceptabilité sociale qu'un jeune passe sa journée à partir de l'âge de 6 ans masqué s'est rendue acceptable, alors qu'autrefois, il y aurait eu sans doute une bonne partie de la population qui serait insurgée contre ça. Il y en a quelques-uns, d'ailleurs, qui se sont levés debout, mais il n'y a pas eu de changement social. Pourquoi? Ben, les gens sont sidérés, ils ont peur. Et avant de produire l'enregistrement d'aujourd'hui, je marchais à l'extérieur et je vois de plus en plus des gens qui, à l'extérieur, donc dehors, ont le masque au visage. Pourquoi? Ben, parce qu'on leur a conditionné qu'il faut qu'ils portent le masque. Puis la prochaine étape, ben, c'est le masque, c'est de plus en plus tout le temps. Hein? Donc, puis de plus en plus jeunes. Donc, on est dans une population qui vit une grande mascarade présentement. Et il y a une acceptabilité sociale de certains comportements qui ne seraient pas autrefois. Donc, c'est sûr qu'autrefois, d'enfermer des personnes âgées chez eux ou dans des résidences, leur dire « tu sors pas de ta chambre », ben ça serait interprété comme une maltraitance. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour les sauver de la menace du coronavirus. On agit pour leur bien en les privant de contacts sociaux, alors qu'en réalité, ces gens-là, il leur reste peut-être quelques jours, quelques mois à vivre. Et là, on les amène à vivre dans de la solitude. Donc, à un moment donné, là, c'est de voir aussi là, c'est quoi la pertinence par rapport à tout ça, de priver des gens qui sont souvent déjà démunis, puis que, à quelque part, qui meurent du coronavirus ou qui meurent d'une crise cardiaque ou qui meurent d'un cancer terminal. Donc, ces gens-là, comme l'expliquait Horacio Arruda, qui avait déjà déclaré au mois d'avril de l'année 2020, parce qu'il était question à ce moment-là de à peu près 1000 personnes qui étaient mortes dans des résidences de personnes âgées ici au Québec, ben, il avait déclaré que ce directeur de la santé du Québec, de toute façon, ces gens-là seraient morts pareil. Il y avait près de 1000 personnes qui étaient mortes, qu'on disait, du coronavirus. Donc, autrement dit, les gens finissent à un âge avancé, de mourir par quelque chose. Fait que là, à un moment donné, de vouloir les empêcher de vivre, de se poser la question à quel point c'est sain comme comportement. Mais on est en état d'hypnose collective. Et qu'est-ce qui va sortir le collectif de l'hypnose? Ça va être probablement le choc du réel, c'est-à-dire la multiplication des dommages qu'on dit collatéraux, belle expression technique pour masquer des drames humains. C'est comme, par exemple, lors de la guerre qui a eu cours en Irak, donc dans les années 90, donc par exemple, les Américains faisaient un bombardement par avion, puis il y avait des civils qui mouraient, on parlait, il y a eu des dommages collatéraux suite aux bombes qui ont été larguées là, dans le cadre de la guerre en Irak. Donc, autrement dit, au lieu de dire qu'il y a eu des pertes humaines avec des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, non, on déshumanise les gens en disant « dommages collatéraux » pour sous-entendre qu'il y a certains dommages qui sont faits, mais on ne spécifie pas. Pourquoi? Ben, pour garder une distanciation psychique, une distanciation sociale par rapport à ça, puis pas tomber dans l'émotionnel. Donc, on va dire « Ah, il y a eu des dommages collatéraux suite à la frappe militaire qui a été faite par les forces américaines. » Donc, ça passe bien lorsqu'on écoute un bulletin de nouvelles. C'est socialement acceptable de dire ça. Tandis que si on dit que « Ah, la bombe a ricoché sur un hôpital ou une école, puis tu as eu une centaine d'enfants qui sont morts. » Ah, ben là, c'est pas nécessairement acceptable qu'on puisse parler de la sorte des Américains qui sont, à quelque part, par rapport au Canada, des alliés là, de longue date, là, des partenaires économiques importants. Donc, on ne peut pas parler en mal, là, naturellement, là, de partenaires économiques. Pourquoi? Ben, parce que, à quelque part, on a des avantages à avoir une belle vision des Américains. C'est sûr que pour ce qui est des Américains en tant que tels, j'apprécie beaucoup la Constitution américaine et l'importance qui est donnée à la liberté d'expression. D'ailleurs, je salue les Américains qui, si je pense à des États comme par exemple celui du Texas, qui n'ont pas d'obligation de port du masque obligatoire et de mesures sanitaires. Non, l'économie fonctionne à 100% au moment où je vous parle, au mois d'avril, puis ça fait plusieurs semaines. Et eux autres sont pas dans ce discours-là alarmiste, ce discours hypnotique de peur et d'hystérie collective dans lequel on est plongé ici au Québec et en France. Donc, c'est sûr que ce que j'observe, parce que le Texas, c'est traditionnellement un État qui est républicain, donc plus de droite. Ben, c'est sûr que le Texas, étant plus de droite, est plus pro-liberté individuelle que mesures sociales, tandis que le Québec en particulier, ou la France, ou certains pays européens, sont plus gauchistes, donc sont plus pour les mesures sociales au détriment des libertés individuelles. Donc, on est dans une dynamique très différente que eux aux États-Unis. D'ailleurs, j'avais déjà vu comme devise sur une plaque automobile américaine « Be free » or die, soit libre ou meurt. C'est très différent d'ici au Québec qui est je me souviens. Donc, c'est la liberté qui est l'un de leurs fondements. Et c'est sûr que par rapport à cet aspect-là des Américains, j'ai beaucoup de respect pour ce qui est de la situation en Irak et des bavures militaires qui ont eu cours. Ça, c'est un autre sujet, là, naturellement. Mais ce que je voulais mentionner là, présentement, c'est que à quelque part, je pourrais parler pendant des heures de la crise sanitaire ou en faire un commentaire journalier, un peu comme peut le faire régulièrement Citoyen Lucide que vous pouvez retrouver là, sur le web, notamment là, sur Odyssey et sur YouTube, qui est un Québécois là, qui porte un regard critique sur la crise. Donc, il fait très bien ça, mais j'ai pas nécessairement le goût là, de faire un commentaire régulier sur la crise. Une fois de temps en temps, ça fait du bien d'en parler. Mais ce que je veux vous dire par rapport à tout ça, quand on nous parle d'une menace, d'une troisième vague, d'une quatrième vague, ou peu importe, derrière ça, c'est un volet auquel on peut attirer notre attention. Mais pendant ce temps-là, c'est qu'il faut garder à l'esprit que, de fond, le plan des mondialistes et des adeptes du Great Reset, donc la grande réinitialisation, des disciples de Klaus Schwab, qui ont l'agenda 2030 en relation avec le Forum économique mondial. Et en surface, cet agenda est très beau. On vise à amener plus de justice sociale, d'égalité, d'accès à l'éducation, etc. Mais en même temps, on cherche à mettre des mesures importantes pour changer la société, et comme il est annoncé dans l'agenda du Grand Reset, c'est que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. J'ai bien hâte de voir si ça va s'actualiser comme ils disent, là, parce qu'habituellement, quand les gens sont dépossédés de leurs biens, ils ne sont pas heureux. Mais le concept derrière ça, c'est que pour avoir accès à une maison, on la loue, accès à une auto, on la loue, donc l'individu possède rien. Donc le temps où l'individu possédait une entreprise, une petite ou moyenne entreprise comme un restaurant, un café, etc., est révolue. Et c'est sûr que ce type d'agenda-là pourrait se réaliser si la tendance se maintient, parce que les États-nations, que ce soit la France, le Québec, s'adettent très rapidement depuis le début de la crise. Et cet endettement-là grandissant, éventuellement, ne sera plus soutenable, ne sera plus va devenir de plus en plus difficilement gérable, ce qui va faire en sorte que une réforme du système économique mondial deviendra alors une nécessité, donc une grande réinitialisation, un grand départ à zéro, un peu comme quand on ferme l'ordinateur en appuyant sur le bouton « Reset » et on le réouvre. Donc, on repart la machine, mais autrement. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, pendant que des gens Comme le disait Claude Lafleur, il y a des gens qui vont s'ostiner en disant « Ah, il y a eu plusieurs centaines de personnes à une manifestation à Montréal. » Il y en a d'autres qui vont dire « Non, non, il y en a eu 5 000, il y en a eu 80 000, 60 000. » Pendant que les gens sont occupés à discuter et discourir sur le nombre de gens qui ont participé à une manifestation pour s'opposer aux mesures sanitaires, dans le fond, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est occupé à penser à ça? L'agenda qui est mis en place avec une logique implacable continue à se dérouler. Donc, l'agenda, c'est quoi? Ben, c'est, à quelque part, amener les États-nations à s'endetter au nom de la menace du coronavirus sous la peur, puis l'amplification de la peur, de la menace. Et par la suite, lorsque les États vont atteindre des seuils critiques d'endettement de plus en plus grands, leur proposer comme solution de repartir, mais avec des bases différentes. Et on va dire qu'on va repartir sur des bases différentes pour le mieux-être de l'humanité, avec des objectifs globaux, puis avec des traités internationaux avec l'ONU pour qu'on réduise les gaz à effet de serre, la pollution, etc. Mais derrière ça, à travers une belle utopie sociale, parce qu'on en a eu plusieurs au fil du temps, bien, se cache la possibilité d'une dictature implacable s'appuyant sur la quatrième révolution technologique, donc dont parle Klaus Schwab. Donc, la première révolution, ça a été par rapport à la vapeur qui a été utilisée pour faire fonctionner, entre autres, les trains. Deuxième révolution technologique, l'électricité. Troisième révolution technologique, ça a été avec l'informatique. Quatrième, eh bien, c'est avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, les objets connectés. Donc, derrière la quatrième révolution technologique, ça va être une société qui va être composée d'individus interconnectés, d'objets en relation avec des ordinateurs. On parle notamment de la possibilité d'autos qui sont téléguidés à distance via des algorithmes pour empêcher qu'il y ait des accidents. Et au lieu que ce soit des autos qui sont conduites par des êtres humains, c'est l'ordinateur qui s'occupe de gérer les déplacements en véhicule avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont amenées, mais dans le fond, ce qui risque d'arriver avec l'agenda du Forum économique mondial, c'est Klaus Schwab qui est fasciné par la technologie, qui nous parle de la possibilité de fusionner le biologique avec la machine. Donc, que des êtres humains deviennent littéralement des cyborgs. Oui, il peut avoir des bienfaits par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est paralysé, d'avoir la capacité, avec l'interface cerveau-machine, de, par exemple, de diriger à distance là, un ordinateur ou la simple discussion vocale, tiens, par rapport à quelqu'un qui est capable de parler, mais qui n'est pas capable de se déplacer, bon, ben le fait que la personne peut discuter avec, par exemple, Siri ou que ce soit Google Home ou une application vocale, est une forme de progrès social. Et je dément pas ça ici, là. Par contre, le point, c'est que sous des prétextes humanitaires, on peut chercher à mettre des mesures de contrôle des citoyens, un peu comme le crédit social. Mes responsables en Chine, notamment, j'en avais vu un interviewé devant une caméra qui semblait très sincère aux journalistes en disant que les mesures du crédit social, des contrôles des citoyens en Chine, c'était pour leur bien. Donc, l'idée, c'est sûr, de, par exemple, quelqu'un qui va circuler sur le trottoir alors que le feu est rouge, il perd des points. On dit que c'est pour son bien ou le bien de la société, puis à quelque part, dans un sens, à un premier niveau, on peut dire que ça peut empêcher des accidents. Par contre, à un second niveau, si l'individu, par exemple, va traverser un feu rouge parce qu'il y a un enfant qui est sur le point de se faire frapper dans une rue, à ce moment-là, s'il traverse, il peut perdre des points, mais s'il ne traverse pas, l'enfant peut mourir. Donc, il peut y avoir des dilemmes éthiques à un autre niveau plutôt que la logique simpliste associée au crédit social qui peuvent être extrêmement problématiques. Donc, autrement dit, d'encadrer la société avec des règles très strictes et rigides, ça va amener les gens à être névrosés, ça va amener les gens à connaître encore plus une érogation des libertés individuelles. Et c'est sûr que le cadeau qu'on peut chercher à nous vendre dans les prochains mois, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui parlent de ça sur le web, c'est par rapport à l'idée du revenu minimum garanti. C'est sûr qu'a priori, l'idée que chaque être humain sur Terre puisse avoir accès à un revenu minimum qui lui permettrait de vivre décemment, on peut trouver ça bien beau. Par contre, c'est tout le temps de voir c'est à quel prix. Est-ce que pour accéder au revenu minimum garanti, il va falloir se faire injecter, il va falloir se faire vacciner? Est-ce qu'il va falloir avoir le passeport vaccinal? Est-ce qu'il va falloir se soumettre à un paquet de droits, un paquet de structures? Donc, autrement dit, est-ce qu'on va nous dépouiller de nos libertés de plus en plus pour, au nom de la sécurité que représente le revenu minimum garanti, nous amener dans une forme de dictature sanitaire? Et lorsque je parle de dictature sanitaire qu'on vit présentement, c'est dans le sens que le gouvernement, ici au Québec, gouverne par décret depuis plusieurs semaines au nom de l'urgence sanitaire. Donc, les lois ne sont pas, dans le fond, été votées là, naturellement là, par des individus ou qui n'ont pas fait sujet de débat à l'Assemblée nationale par rapport à différents partis qui ont voté. Non. C'est le gouvernement d'une manière unilatérale qui dirige ici au Québec et c'est un gouvernement qui va dicter la bonne conduite des citoyens dans tous les sphères de sa vie. Un peu comme les régimes totalitaires, comme le nazisme, comme le communisme, ils se mettaient leur nez partout. Donc, autrement dit, comment se comporter à l'extérieur? Il faut porter le masque. Ensuite, quand vous allez au magasin, il faut vous suivre les chèques, les flèches au sol à 2 mètres. Lorsque les enfants vont à l'école, il faut qu'ils portent le masque. Donc, une ingérence dans toutes les sphères de la société. Et ça, on nous dit que c'est au nom du bien. Puis, il y a sans doute des dirigeants au gouvernement qui sont très bien spirituellement intentionnés. Mais comme le disait le philosophe Malraux, le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et sans s'en rendre compte, François Legault, d'autres dirigeants, c'est sûr qu'eux autres, si vous leur posez la question, est-ce que vous voulez mettre en place une dictature, ils vont dire « Ah non, non ». Est-ce que, dans le fond, ces gens-là, sincèrement, est-ce qu'ils veulent mettre en place une dictature? Ben, moi, j'ai l'impression que non. Dans leur naïveté, ils cherchent à faire le bien, mais ils ont peur. Puis la peur amène souvent des comportements d'abus d'autorité, de domination. C'est un petit peu comme l'enfant qui se fait dire, par exemple, par son parent qui a peur, « Ben là, tu sortiras plus dehors, là, tu peux avoir des coups de soleil ou tu peux attraper le COVID. Le coronavirus, il est partout. Là. Les gens, il faut qu'ils portent des masques dehors parce qu'ils peuvent l'attraper dans le vent dehors. » Tu parles des parents qui sont hystériques, qui sont remplis de peur, puis eux autres, cherchent à bien faire, mais comme ils ont peur, ils imposent des comportements qui, dans un contexte hors COVID, seraient interprétés comme étant de la négligence parentale. C'est un petit peu la même chose avec les gouvernants. Donc, ils font de la négligence de citoyens, mais ils sont aveuglés par la peur du coronavirus, ensuite la peur de perdre le contrôle par rapport au nombre de cas. Et la peur fait faire toutes sortes de choses qui m'en venaient à l'essence de mon discours en début d'enregistrement. Et est-ce que c'est fini, les mesures de sanitaire? J'ai l'impression qu'on en a encore pour un bon bout de temps. Pourquoi? Parce que, à quelque part, les gens, en général, ne s'opposent pas à ça. Il peut y avoir une conformité d'apparence, comme c'est mon cas. Moi, je vais aller au magasin, je vais porter le masque, mais en réalité, si vous me laissez la liberté de porter le masque ou non, je ne le porterai pas, je ne veux rien savoir. Mais pour être capable de continuer d'acheter de la nourriture, lorsque je vais à l'épicerie, je me soumets à cette loi-là, mais c'est contre mon gré. Je dis loi, mais en réalité, c'est pas une loi, ça n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, c'est un décret. Ça n'a pas la même force au niveau juridique. Mais c'est ça, j'ai à composer avec une société remplie de gens historiques, hystériques, puis on va voir quand ils vont saturer de ça. Moi, c'est sûr que ce qui risque d'arriver, l'engrenage que je vois, c'est tout simplement une société de plus en plus technologique, donc on amène les petites et moyennes entreprises implicitement à faire faillite. en continuant les vagues de confinement, déconfinement, parce que ça devient de plus en plus difficilement soutenable sur le plan financier. Par la suite, ce qu'on appelait les travailleurs indépendants, ben, à ce moment-là, ils deviennent dépendants de l'État. On va leur offrir des programmes gouvernementaux. Mais c'est sûr qu'il y a un transfert de la propriété privée vers éventuellement le public et vers éventuellement des organismes, un peu comme le Fonds mondial international, le FMI, donc le Fonds économique mondial, qui éventuellement pourrait gérer, par exemple, les commerces, faire pression sur le gouvernement dans ses politiques par rapport aux différents commerces là, de restaurants, etc. Donc, bref, mettre en place un communisme à l'échelle internationale auprès de tous les pays endettés. Donc, un peu comme dans le temps du communisme en Russie, où l'État possède tout et les gens n'ont rien, puis ils sont pris dans une dictature. Donc, moi, j'ai l'impression que l'engrenage cherche à nous mener vers ça. Et c'est sûr que par rapport à l'élite mondiale qui influence les dirigeants, les gouvernants, il y en a qui peuvent vouloir mettre en place un agenda, entre autres, de dépopulation. Réduire la quantité d'êtres humains sur Terre. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont conscients que quelque part au rythme où qu'on allait, avant la crise du coronavirus, la situation est insoutenable à long terme, dans le sens que s'il y a trop de surpopulation sur Terre, eh bien, éventuellement, ça va amener des désordres sociaux, ça peut amener des guerres, ça peut amener des problèmes de famine, etc., grandissant. Et eux autres, dans le fond, pour pas que la Terre devienne un grand chaos, ben, c'est sûr qu'un des moyens de freiner ça, ce serait de mettre en place des politiques de dépopulation mondiale et de faire l'ingérence avec la mise en place d'un gouvernement mondial de qu'est-ce que font les différents pays et comment faire la gérance sur un pays qui est indépendant. Ben, c'est le rendre dépendant. De quelle façon? Ben, entre autres, à travers l'endettement. Donc, si les pays, que ce soit le Canada, la France, dépendent de capitaux internationaux pour fonctionner, et de la réinitialisation d'une économie qui, par exemple, pourrait donner place à l'adoption d'une crypto-monnaie à l'échelle internationale de nature numérique et que pour pouvoir y avoir accès, ben, ça prend une identité numérique associée à chaque individu qui pourrait être mis en relation avec un téléphone intelligent, comme diraient les Français, un smartphone, qui permet de surveiller à ce moment-là les déplacements à distance et d'exercer à ce moment-là une forme de crédit social où les gens peuvent perdre des points par rapport à leur crypto-monnaie, peu importe l'endroit qu'ils se trouvent dans le monde, s'ils ne respectent pas certains comportements, un peu comme en Chine, ben à ce moment-là, il y aurait un plus grand contrôle de la population. Et c'est sûr que la façon que peut chercher à gérer l'élite, ça peut être spirituellement pour faire le bien pour la survie de l'humanité. Autrement dit, eux autres peuvent voir dans l'imposition de mesures très fortes et drastiques, donc des mesures dignes d'une dictature, la seule planche de salut pour l'humanité, en ce sens que si l'humanité est continuait dans la voie qu'elle connaissait avant la crise du coronavirus, avec l'augmentation rapide de la population, les problèmes environnementaux, ben, eux autres, ils voient que dans une gestion draconienne, en utilisant le coronavirus, comme l'expliquait Klaus Schwab, comme étant l'élément, l'instrument, donc d'instrumentaliser comme moyen le coronavirus et la crise pour mettre en place le Great Reset, la grande réinitialisation qui est voulue depuis longtemps, puis mettre en place une société totalement différente à l'international. Donc, c'est sûr, en utilisant ça comme une opportunité, une fenêtre d'opportunité, la crise du coronavirus, pour changer eux autres ce qu'ils appellent en mieux. Ben, c'est sûr que, dans un sens, eux autres, dans certains cas, peuvent vouloir bien faire. Fait que là, ici, je ne suis pas en train de nécessairement de diaboliser les dirigeants, dans le sens qu'il y a des gens sur Internet qui vont dire « Ah, on est dirigé par comment ils appellent ça, là, des pervers, psychopathes, des satanistes, etc. » Faut faire attention. Il peut y avoir des gens qui sont spirituellement bien intentionnés, mais naïfs, puis qui ont peur, puis qui cherchent à imposer des choses à d'autres individus pour la peur. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent être en effet des psychopathes, comme dans la population générale, en effet. Il peut y avoir des gens qui souffrent de psychopathie, aucune empathie pour les autres êtres humains. Il y a des gens qui peuvent être des pervers narcissiques, etc. Mais le point, c'est de réaliser qu'à quelque part, derrière une bonne volonté, un tyran qui peut sommeiller un individu peut se manifester pour en priver d'autres en croyant faire le bien de ses droits fondamentaux. Puis on peut le voir à différentes échelles. Si je pense à ma famille, j'ai un oncle qui, par rapport à ma grand-mère qui est âgée de 97 ans, à cause que lui, il a peur du coronavirus, il a peur qu'elle, elle va attraper le coronavirus, va chercher à faire ingérence dans sa vie en disant, là, dans le temps des fêtes, là, allez pas voir votre grand-mère, faut qu'elle reste seule, faut pas qu'elle attrape le coronavirus, elle est âgée, elle est vulnérable, c'est vrai, elle a des problèmes cardiaques, mais de chercher à surprotéger quelqu'un, de lui imposer quelque chose pour son bien, c'est une forme de domination. Si on empêche ma grand-mère de me voir ou de voir d'autres personnes de la famille sous prétexte de la protéger, ben c'est à quelque part une forme d'abus d'autorité si elle ne veut pas ça. Donc, c'est sûr que moi, je suis plus dans le vivre puis dans le laisser vivre. Et c'est sûr que des gens qui vont écouter mon propos vont dire, ben écoute, t'es un irresponsable. Ça dépend. Parce que, à quelque part, par exemple, d'empêcher une personne âgée qui lui reste peut-être quelques mois à vivre de voir les gens de sa famille, bien, la personne qui lui prive de ça, puis si la personne meurt dans l'isolement 3 mois après, alors à ce moment-là, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui était plus pertinent à faire comme comportement? Donc, est-ce que ce n'était pas qu'elle puisse voir les membres de sa famille, surtout qu'il lui restait pas beaucoup de temps, au lieu de mourir tout seul dans l'isolement? C'est une question à se poser. Donc, c'est de voir aussi à quel point d'imposer des choses, c'est pertinent. Mais ce que je vous dirais, la vague vers laquelle on se dirige, là, c'est l'accélération du développement des technologies de contrôle, intelligence artificielle, big data, big données, des téléphones intelligents de plus en plus performants, sophistiqués. On est vraiment dans le gadget électronique. Donc, c'est la particularité de l'époque actuelle. C'est vers où ce qu'on se dirige, à moins qu'il y ait un changement, là. Mais collectivement, là, la société là, se dirige droit vers une société avec de plus en plus d'appareils de contrôle informatique. Et ce qui permet toute cette acceptabilité sociale-là, c'est la peur du virus et de la menace. Tout ça pour vous dire que, à quelque part, quand que je regarde la situation, c'est les chocs de réalité que les individus et les collectivités qui vont vivre qui vont amener des changements d'institution, un rééquilibrage. Pour ce qui est en tant que tel, l'informatique, en tant qu'individu, je suis ni pour, je suis ni contre ça. Moi, ce que j'observe, c'est que ça peut être un outil. Par contre, regardant comment que l'être humain peut être peureux puis dominer, chercher à dominer les autres parce qu'il a peur pour se protéger, bien, ça peut amener place à de la domination, parce que quelqu'un qui est dominé par la peur peut chercher à dominer les autres au nom de la peur. Et c'est surtout que, dans le fond, on a de plus en plus des outils sophistiqués pour le faire. C'est sûr que si vous imaginez que dans le temps de l'Allemagne nazie, il y aurait eu accès au passeport, dans le fond, numérique pour, dans le fond, les nazis puis ces choses-là, ou des technologies de contrôle, je suis pas mal sûr que Adolf Hitler les aurait utilisés là. Donc il aurait cherché à dominer là à partir de ça là, naturellement là, avec tout ce qui se produit là actuellement en termes de technologie de contrôle. Et tout ça pour vous dire en terminant que essentiellement occupez-vous de vous. Fondamentalement, écoutez-vous. C'est sûr que ça peut paraître égoïste ce que je dis, je le conçois, mais faut voir ça aussi, mon propos, comme étant une invitation à la générosité envers soi. Autrement dit, la désillusion par rapport au gouvernement, par rapport au vaccin comme planche de salut, par rapport au passeport vaccinal comme solution pour retrouver un mode de vie en société, sécurité, etc. On cherche à nous présenter ça comme étant ce qui va nous sortir de la crise. Mais en réalité, fondamentalement, il faut se sortir individuellement de la crise. Un peu comme le disait Bernard de Montréal. Bernard de Montréal disait que c'est l'individu lui-même qui va sortir de la quarantaine planétaire. C'est pas le collectif qui va le sortir de ça, là, l'astralisation puis la soumission à des formes sociales. Mais non, c'est l'individu lui-même qui doit se donner la liberté. Quand, sinon maintenant, ou sinon ici, car c'est seulement ici et maintenant qu'on peut être pleinement. Voilà l'essentiel de mon propos. La sortie de crise se fera d'une manière individuelle en décrétant que on se laisse plus imprégner par la peur virulente du virus. Donc, c'est sûr que la propagation du virus sur le plan physique est une chose, mais la propagation de la peur à travers les médias de masse et certains même médias alternatifs en est une autre. Et c'est la capacité de l'individu à dire non à la peur, non à tout ce qu'on nous cherche à nous implanter en termes de dictature sur le plan psychique, qui va lui permettre de rester cohérent dans sa psyché et de ne pas connaître une démission psychique. Donc, c'est la façon que j'entrevois les choses. Autrement dit, avant la crise du coronavirus, j'avais comme firme conviction, qui rejoint entre autres la philosophie jovialiste développée par le philosophe québécois André Moreau, qu'il n'y arrive à un être humain ce qui lui ressemble, ou comme le dirait Bernard de Montréal, toute la vie est programmée, et dans le fond, la crise arrive, et mes convictions sont les mêmes. Autrement dit, que la personne soit en contact avec des gens qui ont le coronavirus, qu'elle ne soit pas en contact, si la personne a à mourir, elle va mourir. Il n'y arrive que ce qui lui ressemble. Donc, et en fonction de ses programmations. C'est ça mes convictions fondamentales, et je reviens à ça. Donc, c'est sûr que pendant la crise, je dois l'avouer, je dois être transparent avec vous, à certains moments donnés, j'écoutais des bulletins de nouvelles, ça m'a amené à vibrer un peu à la peur. Mais à force d'être exposé à des bulletins de nouvelles avec des lumières, des chaudes lumières, puis on cherche à nous faire peur, ben il y a une désensibilisation systématique qui peut s'installer au sein de certains individus. Un peu comme quelqu'un qui développe des anticorps par rapport à un virus. Donc, à force d'être le corps exposé à des attaques, puis qui triomphe des attaques du virus, il développe des anticorps pour faire face à de nouvelles attaques du même virus. Et c'est la même chose par rapport au virus de la peur. Donc, ce que j'ai à libérer, puis à maintenir dans la paix mentale, en liberté psychique, c'est par rapport à la peur qu'on cherche à nous imposer dans le mental pour nous amener à nous soumettre à toutes sortes de comportements qui n'ont pas de crise d'allure, qui n'ont pas de style de bon sens, tabarnak. Quand t'es rendu à regarder des enfants, Chris, qui se promènent sur la rue avec le masque ou des grands-parents, je voyais ça l'autre fois avec un enfant, les deux grands-parents avec le masque, c'est sûr que je trouve ça bizarroïde, là. Mais bon, ça, c'est ma façon d'évaluer les choses. On peut dire, OK, ça leur appartient, mais moi, personnellement, par rapport à la pertinence de tout ça, j'y adhère pas. Donc, je ne crois pas qu'un masque ou même un vaccin puisse me protéger contre la stupidité humaine ou la peur ou la mort. C'est des illusions, ça, de croire qu'on est en sécurité si on est vacciné. Parce que on peut pas tout contrôler. Donc, ça donnera pas une sécurité absolue. C'est ridicule. Mais c'est ce qu'on cherche à nous faire vendre. La solution, c'est le vaccin. Puis là, les gens idéalisent le vaccin. Puis là, finalement, il y a des problèmes avec le vaccin d'AstraZeneca. Fait que là, les gens remettent ça en question. Fait que l'idéal tombe. Il y a un réajustement à la réalité que finalement, ben, le vaccin, il peut avoir des limites. Il peut occasionner certains problèmes de santé. Puis là, on entend parler dans des bulletins de nouvelles. Il y a eu des gens qui ont fait une thrombose. Donc des problèmes de caillots sanguins là, parce qu'ils ont été vaccinés avec le vaccin d'AstraZeneca. Donc tout ce qui est idéalisé naïvement par l'être humain est appelé tôt ou tard à être désalisé. Et l'individu est appelé à connaître le choc du réel proportionnel à sa naïveté, d'où la pertinence de ne pas être naïf. Puis de se développer en tant qu'individualité envers et contre tous. Donc même si tout le monde dans mon environnement croit que le vaccin va les sauver ou croit qu'il faut qu'ils portent le masque 24 heures sur 24 pour être protégés contre le coronavirus, ben, je me donne le pouvoir de ne pas adhérer à ces croyances-là. Donc, voilà sur quel point réside ma liberté. Puis c'est sûr que si vous attendez que le gouvernement vous donne la liberté psychique de penser par vous-même, vous risquez d'attendre longtemps. L'individu doit se donner un être, se permettre d'être pleinement, se donner une autonomie psychique, puis d'attendre après rien. pas après la sainteté du vaccin, pas après le bon Dieu, pas après les extraterrestres, pas après l'Organisme mondial de la santé pour être bien dans sa peau. L'individu doit se donner ce qu'il a besoin pour être épanoui et heureux. Donc, voilà l'essentiel de mon discours. Puis pendant ce temps-là, comme beaucoup d'entre vous, je continue de regarder le cirque médiatique. Donc, j'ai plus besoin de louer des films d'horreur. D'ailleurs, les clubs vidéo, là, ils ont pas mal disparu depuis les dernières années. J'ai plus besoin non plus d'en écouter sur Netflix. J'ai juste à ouvrir les médias officiels, les mass médias, pour être exposé à l'horreur quotidienne qu'on cherche à nous vendre. Donc, ça m'amène à faire, dans un certain sens, des économies. Hein? J'ai plus besoin de louer des films d'horreur pour avoir peur. J'ai juste écouté ce qui se passe dans les bulletins de nouvelles. Donc, je fais des farces, ça me fait pas peur. Mais je trouve ça, à quel point ils cherchent à exploiter la naïveté des gens puis de la peur en présentant les informations, je trouve ça totalement révoltant. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, on cherche à nous manipuler. Mais à un moment donné, il faut être capable de dire non par rapport à tous ces manipulateurs. Et regardez que, à quelque part, les manipulateurs peuvent eux-mêmes être manipulés par une peur qu'ils ne contrôlent pas, puis s'en ayant un faux sentiment de sécurité en mettant plein de mesures en place cumulatives, qu'ils croient se libérer de la peur, alors qu'en réalité, ils font juste masquer ou réagir à une peur qui est là. Donc, c'est sûr que tôt ou tard, l'être humain est appelé à réaliser que, à quelque part, le risque zéro n'existe pas et doit accepter que dans l'existence, il y a des gens qui naissent et il y a des gens qui meurent et que ça fait partie de la vie. Depuis tantôt que je parle pour porter un regard critique sur la crise, mais en termes d'alternatives ou de solutions par rapport à la gestion, eh bien, ce que j'ai à proposer, c'est ceci. Donc, retourner à un mode de gestion d'air pré-COVID par rapport à ce qu'on appelle là, la contamination. Donc, autrefois, il n'y avait pas de tests PCR qui étaient utilisés massivement. Donc, aujourd'hui, on nous présente ça comme étant une penacée, un progrès. Mais en réalité, les tests PCR, donc avec l'écouvillon pour voir si la personne est atteinte du coronavirus, peut, en utilisant massivement, entraîner plein de faux cas positifs. Donc, des cas qu'on dit qu'ils sont atteints, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, y a ça comme effet pervers d'utiliser ça massivement. Et dans les médias, on utilise la notion de cas comme synonyme, comme si c'était des gens qui étaient malades, mais c'est très différent. Quelqu'un peut être testé positif au coronavirus, mais ne pas être malade. D'ailleurs, on parle de gens qui sont asymptomatiques. Donc, c'est sûr que si on nous dit dans une journée au Québec, « Ah, il y a eu 1500 cas, il y a eu 1500 ou 2000 personnes qui ont passé le test et qui s'avèrent positifs », on nous présente l'information en nous sous-entendant que c'est des gens qui sont malades. Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement le cas parce que ça se peut que ces gens-là n'aient pas de fièvre, ils ne toussent pas, ils ne sont même pas conscients d'être atteints du coronavirus. Donc, à ce moment-là, ça crée un effet d'amplification de la peur. Fait que là, c'est sûr que si on s'imagine qu'il y a eu 1500 ou 2000 personnes qui sont avec des manifestations symptomatiques importantes ou qui se retrouvent aux soins intensifs, bien là, on crée de la peur, de l'anxiété. Donc, il faut comprendre qu'à quelque part, présentement, on fait quelque chose d'inusité sur le plan de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'on demande à des gens bien portants, des gens en santé, de s'isoler chez eux, au lieu que ce soit les gens qui sont diagnostiqués, dans le fond, positifs avec des symptômes, qui soient en quarantaine. Et tout ça sur la base de entre autres, d'une vision sanitaire, d'éviter les contacts et aussi en lien avec l'outil du test PCR. Fait que c'est sûr que la première chose que je ferais dans la gestion de crise, j'arrêterais d'utiliser le test PCR pour gérer en fonction du réel de qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire le nombre réel de personnes qui se retrouvent dans les urgences, le nombre réel de personnes qui meurent en lien avec le coronavirus. Donc, parce que moi, j'ai l'impression qu'une amplification de la peur de la menace du coronavirus, qui est liée entre autres à l'utilisation du PCR qui se faisait pas autrefois, Et le concept aussi de pandémie. Donc, avant 2009, l'Organisme mondial de la santé, et ça, ça a été rapporté là, par plusieurs lanceurs d'alerte sur le web, considérait qu'une pandémie, c'est en fonction du nombre de morts. Tandis que là, le critère, c'est en fonction du nombre de cas. Donc, il est possible que dans le passé, par rapport à des saisons de grippe passées, il y a eu plein de personnes qui ont eu la grippe, mais comme c'était asymptomatique, bien, les gens n'en parlaient pas, il n'y avait pas vraiment peur de ça. Ça passait sous le radar. Et là, comme on teste plein de personnes, puis des gens en santé, bien là, à ce moment-là, en testant tout le monde, c'est sûr qu'on peut retrouver plus de personnes là, qui sont atteintes là, d'un virus plutôt qu'une autre année. C'est parce qu'on les teste plus. Donc, pour moi, il y a une amplification de la peur liée aux tests. Et un peu comme le déclarait sur YouTube, un ancien médecin québécois, donc qui a été docteur, qui a été interviewé là, sur les ondes de choix, donc l'ancien docteur Béliveau. Donc, ce monsieur Béliveau déclarait, il disait, lui, la façon qu'il voyait les choses, c'est que si la personne a des manifestations symptomatiques, comme avant, donc la fièvre, la toux, quelqu'un qui a beaucoup de sécrétions nasales, ben, que la personne s'isole et, dans le fond, elle est loin des autres. Même chose si l'individu commence à avoir des manifestations. Donc, les gens s'isolent comme avant. Mais si la personne n'a pas de manifestations symptomatiques, lui, ce qu'il suggérait, ben, c'est de continuer à vivre. Donc, c'est sûr que moi, la façon que je vois les choses, c'est qu'en termes de gestion, il y a une suramplification des mesures sont exagérées par rapport à la menace réelle du coronavirus. Pour moi, c'est évident. Et à quelque part derrière ça, ben c'est l'ensemble de la société qui le paye là. Donc au lieu d'isoler par exemple les gens qui ont des manifestations symptomatiques évidentes, ben on isole tout le monde. C'est du mur à mur au Québec là. Donc tout le monde restez à 2 mètres au cas où que peut-être vous pouvez l'attraper. Puis moi, je propose une gestion de crise, comme ça a été le cas avant, dans le fond, la crise du coronavirus, c'est-à-dire que les gens qui ont des symptômes, qui restent éloignés des autres, tout simplement, là, arrêter de faire passer des tests puis dépenser une fortune là, d'une manière journalière là, par rapport aux tests PCR, là, tout simplement. Donc, puis travailler à partir de cette base-là, plutôt que de le faire avec le test PCR. Donc ça, c'est un volet parce que, à quelque part, là, la crise crée de la déshumanisation. Bon, ça pourrait être les gens qui sont symptomatiques, qui soient en retrait, ou les gens qui ont vraiment peur. Donc, respecter les gens qui sentent vraiment menacés d'être en retrait, puis qu'il y a même des programmes gouvernementaux pour eux, pour leur donner un soutien financier, au lieu de faire le contraire, puis fermer plein de commerces, puis que tout le monde soit beaucoup de gens de la société soient sur un soutien financier, alors que ces gens-là voudraient continuer à travailler dans leur commerce, puis s'ils n'ont pas de problèmes symptomatiques, moi, je vois pas vraiment c'est quoi le problème, là. Donc, pour moi, tout ça est exagéré, puis à qui ça profite qu'on exagère des mesures comme ça? Bien, il y a une question qui dit à qui le crime profite. Bien, c'est sûr que c'est à toute l'industrie pharmaceutique parce que plus que les gens ont peur du virus, puis plus qu'ils vont vouloir qu'il y ait un vaccin, puis plus aussi qu'on parle de la possibilité de variants. Dans en passant, les virus dans le passé, ils changeaient aussi. Là. Il y en avait des variants dans le passé de la grippe. La preuve, à chaque année, on nous présente un vaccin différent là, par rapport à la grippe saisonnière en fonction de la souche qu'on évolue qui peut être propagée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une mutation du virus. Puis à qui ça profite? Bien, l'industrie pharmaceutique, parce que là, on peut nous vendre une version d'un vaccin. Ensuite, l'année prochaine, c'est un autre variant du COVID-19. Fait que là, c'est une autre cuvée, comme les cuvées de vin. Fait que là, on va vous vendre une autre version. L'autre année après, une autre version. Fait que ça se peut que ça fait des spus. On cherche à vacciner les gens tous les 6 mois à cause de la menace de variants, etc. Donc, l'industrie pharmaceutique pourrait tirer profit de la situation en amplifiant les éléments de la peur, en utilisant des lobbyistes pour dire, regardez, là, le nombre de cas augmente, il y a ci, il y a ça, pour créer une perception plus grande de la menace et justifier ensuite la vente massive du vaccin et empocher à chaque année des milliards de dollars. Donc, strictement sur le plan économique, Sinon, bien entendu, ben, que les gens fassent du télétravail, formation à distance, comme je le disais tantôt, c'est tout le lobby de l'industrie du numérique et les géants du web qui en bénéficient. Donc, sur le plan économique, eux autres en bénéficient, mais il y a plein, naturellement, là, de gens de la population qui cette activité de crise, ça se fait à leur détriment, bien entendu. Donc, c'est ce que je voulais mentionner par rapport à tout ça. Et écoutez, je vous remercie de votre écoute et vous dis bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.